Salut Frédéric, c'est Benoît. Écoute, je me permets de te laisser un petit message pour vraiment te féliciter sur la qualité de tes émissions. Même en podcast, que je les réécoute, là, j'ai réécouté celle sur Final Fantasy VII. Hein, ça m'a replongé dans mon enfance, mon adolescence, c'était vraiment super. Ouais, salut Blockbuster. Si j'ai bien compris, demain, c'est la dernière de l'été. Je suis triste parce que c'était vraiment mon petit plaisir du moment, mon petit ensoleillé dans la journée, voilà, de pouvoir écouter l'émission. Mais je crois bien avoir vu que tous les 15 jours, il y en allait y en avoir un, il me semble. Bon, bah, ce sera pas tous les jours, mais c'est déjà mieux que rien. Allez, des gros bisous, à bientôt. Bonjour, j'écoute Blockbuster depuis quelques temps, et donc plutôt en podcast. Et hier, je m'occupe de mettre ma voiture au garage, la récupère à 18h05, j'allume la radio, France Inter en direct, j'entends parler de Guts, de Casca, je me dis mais trop fort, que de chemin parcouru, j'ai 44 ans, je suis fan de manga depuis l'âge de 14 ans, donc 30 ans, et entendre ça à une heure de grande écoute, c'est trop fort. Merci Blockbuster, merci France Inter. Bonjour toute l'équipe, merci pour cette saison qui était encore formidable, de A à Z, de Goonies jusqu'à Seinfeld. Merci et vivement l'été prochain et les podcasts. Voilà, c'est fini, l'été est terminé, Blockbuster s'est refermé. On a bien rigolé, maintenant c'est la rentrée. On a chanté du Diam, dansé sur du Britney. Lu de la science-fiction, révisé nos comics. Plongé dans nos classiques, sorti la Nintendo Switch. Et même si c'est long, on a tous les podcasts. Merci Blockbuster, bisous bisous. To be or not to be, not to be. Eh ben ça y est, c'est le dernier Blockbuster de l'été et on est en direct du festival Sérimania à Lille dont France Inter est partenaire. En direct et en public. Ce qui est tout bonnement formidable car ça signifie qu'en tant qu'humoriste, je suis donc sur scène pour faire une émission de radio qui parle de séries qu'on regarde à la télé. Ça n'a strictement aucun sens. On est tous là, la crise climatique, le Covid, l'Afghanistan, mais honnêtement, si on se donne le temps de faire ça, c'est quand même que tout ne va pas si mal, ou bien qu'on est totalement inconscient. Sur le Titanic, nous on serait pas dans les canaux, on serait sur le pont en train de se dire « ça ferait un bon film, non ?» Cette faculté de prendre le temps de rire de tout, pour moi, c'est ça qui fait l'humanité. C'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps, l'Église s'est posé la question de savoir si Jésus avait ri. C'est même le sujet du nom de la rose, le roman d'Umberto Eco. Un Jésus qui balance des vannes entre deux miracles alors qu'il est là pour prendre sur lui le péché des hommes, ça la foutait mal. Jésus, tu l'imagines plus en mode Daniel Day-Lewis dans Le Dernier des Mohicans plutôt qu'en Gad Elmaleh. Bon, moi personnellement, je pense qu'il a ri. Un gars qui passe son temps avec 12 potes et qui transforme l'eau en vin, il y a forcément un moment, tu ris. Je vois, nous hier, on est arrivé hier soir à Lille avec l'équipe, on est allé se faire un Welsh à la chicorée, et ben je vais vous dire, on a ri. Et d'ailleurs ce matin, ma réalisatrice, elle riait encore, on disait rien mais elle riait quand même. On a ri alors que chez nous, personne ne sait changer l'eau en vin. Donc aujourd'hui, Lille, à cette grande question, peut-on rire de tout? Je répondrai non. On le doit, car c'est ce qu'on sait faire, nous, les humains. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. I'm sorry, Jerry. Je suis désolée, Jerry, je ne crois vraiment pas que ça puisse marcher. Really? Vraiment? I thought... I know. Je croyais... Oui, je sais. I'm sorry. Je suis navrée. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça, vu la façon dont tu te comportes. Écoute, tu es sûr que tu as envie qu'on parle de ça? Parce que moi, je te jure que non. Bien sûr que j'ai envie qu'on en parle. Je crois que les choses ont changé pour moi jeudi soir. Jeudi soir? Mais qu'est-ce qui s'est passé jeudi soir? Je t'ai vu sur scène. À la fin des années 90, alors que la télévision américaine est truffée de sitcoms basés sur des gentilles familles et des morales cuculapralines, apparaît sur les écrans une série drôlissime et cynique qui fait le pari de ne parler de rien. Son nom, celui de son créateur, Seinfeld. Jerry Seinfeld, un jeune prodige du stand-up américain, qui assisté de Larry David, un autre humoriste new-yorkais à la misanthropie géniale, créer une série qui va bouleverser les codes des séries et des sitcoms américaines et devenir culte pour nombre de spectateurs du monde entier. Pour revenir vers ce petit bijou de l'humour, j'ai avec moi Pierre Langlais, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des séries à Télérama et auteur de Créer une série chez Armand Colin. Avec nous également Thomas Desseur, bonjour. Bonjour. Vous êtes stand-upper, youtubeur et animateur du podcast cinéma Parlons Péloche. Tout est vrai. Et aujourd'hui, on a aussi l'honneur de recevoir Frédéric Lavigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur artistique du festival Sériemania. Tout à fait. Ensemble, on va revenir sur la création de cet ovni télévisuel qui a fait la part belle aux égoïstes, à la mauvaise foi et à la futilité. On va parler non seulement de l'écriture de cette série, mais aussi de son incroyable casting. Comment Seinfeld a redéfini les codes de l'humour à un niveau international? Quels ont été les héritiers de Seinfeld? Et qu'est-ce que cette série représente encore aujourd'hui pour les humoristes? Bref, on va parler d'humour. Yada, yada, yada. I think that's a good idea. C'est ça. Just talking? What's the Juste show about? Parler. Mais de quoi ça va parler? It's about nothing. Eh bien, ça parlera de rien. No story? Mais pas d'histoire. Mais pourquoi faire une histoire? Mais tu dois avoir une histoire. Mais qui dit que tu dois avoir une histoire? And who's on the show? Who are the characters? Et quel sera le sujet? Qui seraient les personnages? Eh bien, je pourrais être un personnage. Toi? Ouais, tu baseras un personnage so sur moi. Show, alors, dans la série, il y aura un personnage appelé George Costanza. Oui. Vous croyez quelque chose de mal à ça? Je suis un personnage. Plein de gens me disent, toi t'es un vrai personnage. Et qui d'autre est-ce qu'il y aura? Eh bien, Hélène pourrait faire un personnage. Kramer aussi. Ah bon, il en sera aussi. Alors, toutes les personnes que je connais interviendront dans la série. C'est ça. Et ça parlera de rien. Absolument de rien. Alors, ce que tu veux dire, c'est que je dois aller à NBC et leur expliquer que j'ai une idée pour une série qui parlera de rien. Nous irons voir NBC. Oui. Nous. Since when are you a writer? Depuis quand t'es auteur? Mais pourquoi faire un auteur puisque c'est pour un sitcom? Tu veux venir avec moi à NBC? Oui, je crois qu'on tient vraiment quelque chose là. Et qu'est-ce qu'on tient? Une idée. Mais quelle idée? Une idée pour la série. Je suis désolé, mais je ne vois toujours pas ce qu'est ton idée. C'est à propos de rien. Bien sûr. Tout le monde fait quelque chose, mais nous on ne fera rien. Alors on va entrer à NBC, on va leur dire qu'on a une idée pour une série à propos de rien. Exactement. Ils diront de quoi elle parle de votre série? Je dirai de rien. T'as tout pigé. C'était un extrait de Jerry Seinfeld, donc Jerry Seinfeld qui est doublé en français par Jean-Claude Montalban et George Costanza qui est doublé par Philippe Auguste. Pierre Langlais, expliquez-nous d'où vient Seinfeld. C'est complexe. La base, c'est que Jerry Seinfeld, c'est un comédien stand-up hein, qui est à la fin des années 80, au moment où la série commence en 89, commence à être suffisamment puissant pour que les chaînes de télé, comme ça se fait encore aujourd'hui, lui proposent de réfléchir à un projet de série. Et lui va se diriger. Alors, comme beaucoup de séries, c'est une série qui a eu un début de vie un peu douloureux, qui a failli ne pas exister, qui n'a pas réussi son lancement, mais qui a réussi à rebondir derrière, mais on en parlera peut-être. Et lui va se diriger vers la chose la plus simple pour lui, c'est-à-dire lui-même et son quotidien. Et la base de Seinfeld, c'est non pas, alors cet extrait très important de la saison 4 où ils font une série dans la série qui ressemble à Seinfeld, qui s'appelle Jerry. La base, ça va être non pas de dire on va faire une série sur rien. Une show about nothing qui est souvent ce qu'on dit de Seinfeld et c'est pour ça qu'ils en jouent dans cet extrait là mais plutôt de faire une série dont le concept ce serait en gros à quoi ressemble le quotidien d'un comédien stand-up et quels sont les éléments du quotidien qu'il va utiliser pour faire son spectacle. Et donc la série retourne ça normalement. Donc la base du travail de Seinfeld, c'est je vis ma vie, je note plein de petites choses et le soir sur scène, je fais mon numéro. Et la série va retourner ça, va commencer chaque épisode, enfin en tout cas pour les premières saisons, par Seinfeld sur scène qui dit des choses et ensuite nous montrer finalement le quotidien qui a pu amener à ça. Et donc en vérité, et c'est bien qu'on ait un stand-upper avec nous, puisque c'est une série sur le matériau de la comédie. Donc c'est déjà dans son ADN même une série méta, mais j'en suis sûr, on va en parler. Mais justement, Thomas Desseur, comment avez-vous découvert Seinfeld? Alors moi, quand j'étais petit, j'avais pas Canal Jimmy, mais j'avais Canal Plus, et je tombais sur ces épisodes, j'avais moins de 10 ans, et je comprenais rien. Je comprenais pas pourquoi c'était drôle, mais j'étais un petit peu hypnotisé par ça. Et c'est un petit peu après que, une fois que je suis devenu humoriste, que j'ai vraiment replongé dans Seinfeld et j'ai vu quelque chose qui est pour moi un petit peu un fantasme que peuvent avoir pas mal d'humoristes, en tout cas c'est le mien, c'est de voir, je sais pas pour toi, hein, mais c'est de voir une espèce de prolongation, une extension de son œuvre finalement. Parce qu'au début, effectivement, de chaque épisode, on a Jerry Seinfeld qui fait sa routine et on a même tendance à voir le début de l'épisode, on voit 2-3 blagues de Jerry Seinfeld et on les oublie presque. Et au bout d'un moment, dans l'épisode, on se rappelle qu'il y a eu ça au début, parce que ça vient dans l'intrigue, dans une des intrigues des personnages, parce qu'on le verra dans chaque épisode, chaque personnage a un arc narratif. Et on se dit, ah oui, c'est vrai, il avait placé ce jeu d'esprit là-dessus. J'ai un exemple qui me vient toujours, c'est quand Jerry Seinfeld, au début d'un épisode, parle des vêtements. Il dit quelque chose de très marrant sur les vêtements, que à chaque fois qu'on complimente quelqu'un sur ses vêtements, la personne le prend pour elle, elle est très heureuse. Alors que quand on dit à quelqu'un que sa cravate est jolie, c'est la cravate qui a un compliment, c'est pas la personne. Et on trouve ça marrant, l'épisode démarre, et au bout de 5-6 minutes, on voit que Jerry Seinfeld est dans une intrigue avec une conquête à lui, qui met tout le temps la même robe à chaque soirée, ça le perturbe vraiment énormément. Et du coup, on se souvient de ça, quoi. Et pour conclure là-dessus, j'ai un spectacle où je me suis toujours dit, ah, ça ferait un bon film de Quentin Dubieux, mon spectacle. Alors je sais pas si j'aurai la chance que ça arrive un jour, mais je me dis que Jerry Seinfeld, en faisant ça quelque part, il a accompli peut-être que Quentin Dubieux nous écoute et il est en train de se dire, oh, bah pourquoi pas. Bah voilà, clairement je fais un appel. L'appel est passé. Faut en profiter. Mais en tout cas, Jerry Seinfeld, qui était beaucoup plus connu que moi, et comme tu disais, Pierre, qui était à un moment de sa vie où on commençait, il se passait au Tonight Show et on le remarquait tout le temps par ce qu'il faisait, c'était toujours qualitatif et du coup il était remarqué du public. Et son producteur à l'époque proposait à n'importe qui de faire une série sur ce gars, mais lui était même pas au courant. Et finalement c'est comme ça que c'est arrivé, il a pu réaliser cette espèce de, je pense, petit fantasme pour pas mal d'humoristes de donner une extension à son œuvre, quoi. Et alors on le dit depuis le début de l'émission, Jerry Seinfeld est un humoriste, mais il a un type d'humour qui est très particulier. C'est pas un humour politique, c'est vraiment un humour du réel et de l'observation du quotidien, très très simple. Thomas. Bah c'est ça, et alors bon, ça peut faire rire ce que je vais dire, mais le vrai pendant français qu'on a, c'est Gad Elmaleh en France, justement. Ah bon, c'est étonnant. Voilà, mais du coup bon, avec tout ce que ça implique, mais dans la filiation directe. Et effectivement, Pierre parlait d'un show about nothing, et en fait en parlant de rien on parle de tout, et on parle du quotidien. Et là, ce que je disais sur les vêtements ou sur toutes les one lines qu'on peut avoir au début de chaque épisode, en fait c'est un observateur incroyable, Jerry Seinfeld. Et aujourd'hui c'est finalement une des parties du stand-up qui a le moins vieilli, d'observer, parce qu'on se rend compte que plus ça avance, plus les mots de chance, plus on observe des choses, que ce soit là aujourd'hui, ça va être sur les, je sais pas, les réseaux sociaux, plein de choses sociétales qu'on peut observer. Et Jerry Seinfeld, pour ça, toute sa carrière, aura toujours observé un million de trucs, et il avait tellement de matériel que ça a débouché sur, avec Larry David, hein, dont il faudra parler aussi, que ça a débouché sur une série de 180 épisodes, où les idées s'épuisaient absolument jamais. Et c'est ça le génie de cette série, quoi. Pierre Langlais. Parce qu'il y a des personnages qui ont une personnalité, mais qui ne sont pas... C'est ça qui est assez dingue dans cette série. Et ce qui fait d'ailleurs que, contrairement à Friends, et à Why Met Your Mother, d'autres séries qui sont devenues beaucoup plus populaires en France, c'est une série hyper technique. C'est un humour qui est très technique, mais c'est là que le paradoxe est génial. C'est-à-dire que c'est un humour du quotidien, du détail. Le mot que les Américains emploient, c'est mundane, qui est vraiment, c'est une série de la petite chose de la vie quotidienne. Oui, ils sont jamais en démonstration. Ils jouent une vie très simple. Et c'est juste la situation qui parle pour eux. Et les épisodes, c'est vraiment, on va vous faire un épisode sur, un des plus connus, c'est on attend pour manger au restaurant, quoi. Voilà. Et on fait un épisode entier là-dessus. Et c'est que des épisodes là-dessus. Alors, à travers ça, évidemment, ça va dessiner des personnages, il va y avoir des arches narratives, des histoires, etc. Mais l'essentiel, c'est en gros, autour de nous, qu'est-ce qui se passe qui puisse être universel et qui puisse faire rire, mais avec, c'est vrai, cette écriture très particulière et cette forme d'anglais aussi, qui fait que, on peut le dire, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui connaissent bien Seinfeld et qui en sont fans, sont certainement extrêmement minoritaires comparé à une série comme Friends qui a complètement enflammé la télé française. Complètement. Y a un rayonnement autour de la série Seinfeld qui dépasse largement sa popularité auprès du public français. Oui, qui est surtout, alors c'est surtout une série cultissime aux États-Unis. Mais en France, je pense qu'on ignore assez, large part du public français ignore l'impact qu'a pu avoir Seinfeld. Et je crois que c'est pas un hasard, parce que c'est une série qui a un impact qui est beaucoup plus subtil que juste après Seinfeld, ça a fait ceci, cette mode-là ou ce genre d'humour-là. Je pense que c'est une série vraiment à part, mais on y reviendra peut-être. Frédéric Lavigne, ce festival Sériemania, qui se passe à Lille, France Inter est partenaire, a été décidé et a décidé d'avoir pour thème humour et série. Et c'est vrai que quand on pense humour et série, Seinfeld arrive assez vite, même si effectivement c'est pas la série la plus connue en France. Et est-ce que vous en aviez entendu parler avant la création de ce festival? Oui, bien sûr, mais je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que c'était une sorte de référence absolue, mais où en fait dans la réalité on l'avait pas regardé. C'est-à-dire que ça fait partie de ces... Il y a ça aussi en cinéma, hein. Fameux film que tout le monde dit, je sais pas, L'Aventura de Antonioni. Citizen Kane. Ou Citizen Kane, que personne n'a vu, en fait, et dont on parle tout le temps comme d'une référence, une sorte d'étoile noire. Là, je sais qu'on va recevoir 252 mails de dire, mais voyons, si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas mon cas, moi je l'ai vu. On le sait. Ouais, vous êtes merveilleux, pas nous. Mais en tout cas, je l'avoue très humblement, tout en faisant un festival de série depuis maintenant 12 ans, je n'avais jamais regardé Seinfeld jusqu'à cette année. Et moi, j'ai profité de la rediff sur Salto. Tout d'un coup, elle est tombée du ciel sur Salto là, et elle est encore disponible quelques jours d'ailleurs pour pouvoir la découvrir, pour préparer cette rétrospective. Alors qui est pas vraiment humour, enfin c'était vraiment stand-up et série, parce que on a constaté vraiment que le dialogue entre les stand-uppers et la série avait créé comme un sous-genre de série très particulier, mais on pourra détailler après au-delà même de l'exercice de la scène vraiment particulier. On est ensemble à Lille dans le cadre du festival Sériemania, un partenariat France Inter pour parler de Seinfeld. Et quand j'ai cherché une chanson qui évoquait cette série, j'ai trouvé quelque chose qui n'a strictement rien à voir, car c'est ainsi que mon cerveau fonctionne. On écoute Tom Jones avec It's Not Usual. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tom Jones avec It's Not Usual dans Blockbuster sur France Inter. Hello. Salut. Alors? Quoi? Come on. Comment s'est passée la soirée? Oh, la soirée. La soirée. Ah yeah, oui, comment c'était? Intéressant. C'est tout? Oh oui. Raconte. Voyons voir. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ben, improvise. He took it out. Il l'a sorti. He what? Il a quoi? He took. Il l'a... It out. Sorti. Il a sorti quoi, au juste? It. Son truc. Il a sorti... Out. Son truc? Yes, sir. Il n'y a aucun doute possible. C'est pas vrai. Aussi. Mais vous étiez engagé dans une sorte de rapport... Non. Ah bon. Comme ça, alors? Oui. T'en es sûr? Tout à fait. T'es pas trompé, par hasard? Oh, Jerry. Alors, vous discutez, vous parliez d'un tas de choses, et tout à coup... Oui. Il l'a sorti. J'arrive pas à y croire. Bah, je connais Phil, c'est un très très bon copain. Enfin, on joue au basket ensemble. Comment se peut-il que... Oh, il se peut... Nous sommes toujours avec le directeur artistique Frédéric Lavigne, l'humoriste Thomas Desseur et le journaliste Pierre Langlais pour parler de la série Seinfeld en direct du festival Sériemania à Lille. Et on vient d'entendre Julia Louis-Dreyfus qui joue Hélène, doublée en français par Anne Jolivet. Et justement, ce casting, parce qu'on m'a parlé de Jerry Seinfeld, mais il n'est pas tout seul dans cette série. Il y a des personnalités absolument incroyables. Il y a notamment le personnage de Kramer, interprété par Michael Richards. Il y a George Constanza, qui est interprété par Jason Alexander. Et en fait, ça a beau être une série collégiale, on a l'impression que tous les personnages ont quelque chose qui les singularise, c'est qu'ils sont tout seuls tout le temps. C'est-à-dire que chacun a des problèmes à établir des relations amoureuses. Et en fait, on a l'impression que Seinfeld, c'est une somme de solitude qui cohabite. Pierre Langlais. En fait, c'est une somme de Seinfeld lui-même et de Larry David. C'est-à-dire que chaque personnage est une déclinaison de lui-même, ou d'eux-mêmes plutôt, puisque Larry David est un peu l'homme de l'ombre de Seinfeld, qui ensuite passera à la lumière avec Larry et son nombril, Curb Your Enthusiasm en anglais. Et en fait, Hélène est dit comme étant une sorte de conglomérat, d'aggloméré des ex de Seinfeld et de David. Et Kramer est un authentique personnage qui était le voisin de palier de Larry David. Et donc, en vérité, tous ces personnages-là sont le reflet d'une façon ou d'une autre du quotidien de Seinfeld. Mais c'est vrai que la série aussi est une série dont la dynamique était que les personnages, et c'était le mantra, alors encore une fois, c'est comme une série sur rien, ça n'a jamais été vraiment confirmé, était « no hugging, no learning », qui est littéralement « pas de câlin », pas d'apprentissage, et donc des personnages qui sont finalement dans une boucle de répéter les erreurs, de faire des... C'est pas des personnages qui apprennent et qui évoluent, contrairement à l'immense majorité des sitcoms, où il y a une forme de progression, on va suivre, prenez Friends, hein, qui est le meilleur exemple, ils vont mûrir, ils vont tomber amoureux, ils vont se marier, avoir une famille... Là, rien du tout, et il y a d'ailleurs un épisode où George Constanza dit « mais en fait, on est des enfants !» On est complètement immature, on n'est pas des hommes. Et donc, en vérité, ils sont coincés dans leur truc et dans leur délire. Et la série a cette structure, comme on le disait tout à l'heure, où au début de chaque épisode, ils ont chacun leurs petits problèmes. Et au final, on va se rendre compte que ces petits problèmes-là s'additionnent et font le problème principal de l'épisode. Thomas Desseur ? Bah, c'est ce que t'as dit, l'immaturité. En fait, finalement, c'est une ode à l'immaturité. On peut voir, alors on va pas dévoiler la fin de la série, mais la manière dont la série se termine, ça, il y a l'appareil judiciaire qui se mêle de la trajectoire de tous ces personnages-là. Parce que quelque part, ils sont coincés dans une immaturité et chacun représente un espèce de pendant de l'immaturité. Il y a, notamment le refus de l'engagement qu'on voit beaucoup chez Hélène et Jerry. Et aussi, le côté très enfant qu'on a chez Cosmo et le côté. Cosmo Kramer, voilà. Et le côté qu'on a chez George Constanza de ne pas vouloir se soumettre à quiconque, à quelle autorité que ce soit. Ça, c'est vraiment... Georges qui cumule un nombre de défauts absolument incroyables. Mmh. Et il est mesquin, il est radin. Il est menteur. Il est menteur. Et pourtant, sympathique. Mais le truc, c'est que ça lui revient toujours dans la poire, en fait. Et en fait, la défense de... Les gens qui attaquent la série disent, en fait, c'est une série morale. Mmh. Ou plutôt amorale. C'est-à-dire que les personnages font des trucs affreux. D'ailleurs, vous trouverez des universitaires américains qui ont bossé pour Seinfeld, qui ont étudié Seinfeld, qui vous diront, en fait, c'est la vraie matrice de Breaking Bad et des Sopranos et des anti-héros modernes, c'est Seinfeld. Parce qu'en fait, c'est des méchants, quoi. C'est des enflures, pour parler poliment. Et donc, ils n'arrivent à avancer dans la vie qu'au détriment des autres. Et donc, ils font souffrir les autres autour d'eux. Et donc, c'est ça aussi qui est la dynamique de la série. C'est que, finalement, ils sont sur leur nombril. Et ils n'apprennent pas, donc c'est pire, c'est des rouleaux compresseurs qui détruisent tout autour d'eau. Et on en rit évidemment parce qu'il y a une observation du quotidien et la défense de Seinfeld, ça veut dire oui, mais justement, le centre de la blague et ceux qui prennent le plus cher, c'est eux, c'est ses propres personnages. Thomas Desseur ? J'ai inventé un terme pour eux, je dirais qu'ils sont sympas cons. Voilà, ils sont sympas, en même temps très cons. Et c'est ça qui fait le charme de tout ça, parce que malgré toutes les horreurs qu'on voit, on les adore, ces personnages-là. Et la réalisatrice valide sympa con. Ah, oui. Voilà. Super. J'espère que ça rentrera dans le dico, oui, mais j'ai pas encore. Bah, je pense, là. J'ai pas cette prétention, mais voilà. Et c'est aussi sauvé par des jeux d'acteurs, quand même. Pas du personnage principal, parce que il faut savoir que Jerry était un très très mauvais comédien, est un très mauvais comédien. Et c'est d'ailleurs, et Larry David, c'est son cas aussi. C'est pour ça que les deux ne jouent pas dans la série. Et mais par contre, George Costanza, qui était un vrai acteur de théâtre, qui sont allés chercher lui. Jason Alexander. Lui qui venait du théâtre et tous les acteurs qui sont autour permettent de lever tout ça, de rendre tout ça crédible et attachant. Oui, et d'ailleurs, assez rapidement, on voit que Seinfeld prend une position de recul par rapport à tout ça et c'est vraiment juste le spectateur le mieux installé. Hein. Mais d'ailleurs, Kramer, qui est son voisin, rentre le frigo de Seinfeld, c'est une extension du sien. Hein. Ouais. Il n'y a même pas de porte, en fait. Ouais. Oui, de toute façon, c'est une série qui joue beaucoup. Vous parliez de la solitude des personnages. Alors après, attention, il faut quand même dire que Seinfeld, c'est une de ces séries qui a réussi à imposer des personnages secondaires, même très ponctuels, qui sont devenus totalement cultes. Et on parlait de Breaking Bad tout à l'heure. Bryan Cranston a commencé à être connu grâce à Seinfeld, où il joue le dentiste de Seinfeld, qui est un des personnages qui finalement apparaît pas tant que ça dans la série, mais qui est devenu culte. Et c'est ça, encore une fois, une des grandes forces de la série, c'est que d'ailleurs c'est marrant, j'ai un t-shirt Seinfeld où c'est des dizaines de petits logos et de dizaines de répliques partout. C'est que contrairement à Friends qui est devenu connu grâce aux personnages, à leur relation, Seinfeld, c'est presque une bibliothèque, quoi. C'est un entassement de petites choses, de petits gestes, de petites répliques, de petites choses comme ça qui font que c'est devenu une somme culte, c'est un puzzle finalement. Et d'ailleurs, même dans cet aspect un peu méta et geek qu'on a pu retrouver aussi dans Big Bang Theory, Seinfeld est un des premiers protagonistes très populaires de la télévision américaine à revendiquer son amour pour Superman, ouais, et à le placer systématiquement dans chaque épisode comme quelque chose d'une mise en abîme de l'univers du comics. C'est-à-dire que Seinfeld, c'est un enfant et c'est aussi un geek. Il y a cet aspect-là. Oui, oui, de toute façon, c'est vrai que c'est une série qui... On passe beaucoup, beaucoup de temps chez Seinfeld lui-même, qui est d'ailleurs un appartement qui, quand on y pense, et d'ailleurs, c'était un des problèmes, est tout petit, alors qu'on pourrait se dire qu'un comédien qui commence à fonctionner correctement pourrait vivre dans un truc un peu plus grand, c'est de l'intime, c'est du détail, c'est de la référence aussi, et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, faut repenser qu'aujourd'hui, on devient familier avec des séries très méta, assez geek, avec beaucoup de références, etc. Entre 89 et 98, le public français était pas encore assez cultivé en termes de pop culture pour comprendre les blagues très américano-centrées. Alors Superman, oui, mais le reste de la pop culture qui est référencée dans la série, c'est pas évident. On va continuer de parler de Seinfeld, mais avant ça, on va écouter Jacques qui nous interprète Vous, une programmation musicale que l'on doit à Thierry Dupin. Blockbuster est une émission réalisée par Céline Hila et Étienne Vertin. Elle a été préparée par Emma Ferré avec l'assistance de notre stagiaire Robin Soradonac et de notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer. We'll be right back. pu croire. Je suis content de faire partie de nous. Vous deux, Jacques. Blockbuster. Hey, I got news for you. Écoutez, je crois que si on veut aller voir ce film, il faut qu'on ait une table immédiatement. Très bien, alors cessons de tourner autour du pot. On va essayer de le soudoyer. Frédéric Sigrist. In a Chinese restaurant, do they take me? Tu crois qu'on peut arriver à soudoyer un Chinois? Sur France Inter. Frédéric Lavigne, vous avez titillé ma curiosité tout à l'heure en parlant des similitudes entre l'écriture des stand-uppers et celle des sitcoms et des séries. Est-ce que vous pouvez nous développer, s'il vous plaît? Bah, en fait, je sais pas si c'est vraiment la similitude, c'est juste que je constate qu'aujourd'hui, il y a comme une prise de pouvoir, en particulier du format comédie, par des gens qui viennent du stand-up de plus en plus, et sur des formes assez variées, d'ailleurs, qui peuvent être maintenant des formes un peu de chaînes câblées, hein, beaucoup moins de comiques purs. Je pense évidemment à des séries comme Rami, ou Atlanta, qui sont des gens qui viennent tous, du stand-up. Alors sous plusieurs formes, c'est-à-dire qu'on voit sur le stand-up des séries qui traitent du stand-up ou des coulisses stand-up, mais qui ne sont pas faites par des stand-uppers. Par exemple, Mrs. Maisel, oui, qui est formidable, de Amy Sherman-Palladino, ou I Am Dying Up Here, qui avait été produit par Jim Carrey sur cette bande de stand-uppers des années 70. Et puis après, vous avez des séries écrites par des stand-uppers, mais qui ne parlent pas du stand-up, hein. Par quoi, bah, Atlanta, par exemple, ou Rami, où ils jouent des genres de versions d'eux-mêmes, pas totalement celles-ci, mais c'est des comédies assez sophistiquées, qui parlent d'ailleurs de thèmes beaucoup plus larges. Et puis ensuite, vous avez les séries de stand-up, qui parlent des stand-uppers eux-mêmes, qui se mettent eux-mêmes en scène. Alors, Seinfeld, c'est évidemment la matrice. Et puis après, je dirais, si on rebondit 10 ans plus tard, on a Louis C.K., qui a aussi repris cette façon de se mettre en scène dans sa vie quotidienne avec toutes ses emmerdes et ses défauts, et de se faire aucun cadeau, et de conclure toujours par un retour sur la scène. Qu'est-ce qu'il en fait dans ses sketchs? Et ce qui nous a intéressé, c'est que cette année au festival, on a une série qui s'appelle Jeune et Gaulerie, faite par Agnès Hurstel, où elle-même elle fait exactement ça, c'est-à-dire qu'on voit tous ses déboires sentimentaux et tout, et à chaque fois elle revient se cracher dans un petit club où d'ailleurs elle se plante souvent, mais où elle nourrit ses sketchs de ce qu'elle vient de vivre. Pierre Langlais. Oui, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces séries-là sont des autofictions, c'est-à-dire qu'on a affaire au quotidien, une forme de quotidien un peu fantasmé, souvent négativement, du comédien qui va se mettre en scène. Et donc finalement, on a presque, et c'était ce qu'on disait au début sur Seinfeld, on a presque affaire aux tripes du travail humoristique, c'est-à-dire que ces séries sont fatalement méta, puisqu'il s'agit de mettre en scène ce qui fera le matériau du spectacle, sauf qu'il y a le gras avec. C'est-à-dire que c'est pas encore désossé, c'est pas encore juste les blagues, c'est tout ce qui va venir autour. Et plus on va dans des formats qui sont du câble américain, qui sont plus de la sitcom avec rire comme on a avec Seinfeld, avec les trois caméras, avec vraiment le canapé au milieu du salon et tout, plus on va avoir des séries qui vont balancer en permanence entre le drame et la comédie. Et on a certaines des séries qui ont été mentionnées par Frédéric, qui sont des séries qui même basculent complètement parfois dans le drame, et où on a des choses pas drôles du tout qui arrivent. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que on voit à quel point le travail de stand-up qui peut être réduit par le public à « ok, le mec il va me trouver que des blagues, je vais rigoler tout le temps », ah, et ben non, en fait, dans la réalité, c'est aussi, et I'm Dying Up Here montait ça aussi, les mecs sont mal. Et ça nous montre des choses très dark, en fait, très sombres. Thomas Dessert, est-ce que effectivement, dans ces séries qui ont pour cadre le stand-up, ça permet de montrer que la vie des humoristes, c'est une tragédie? Ah bah la vie des humoristes, c'est une tragédie. En tout cas, on est des gens, enfin tu le sais aussi, on est des gens très névrosés. Ah, complètement. Mais la névrose, elle... Déjà, on parle tout seul. Généralement oui, mais la névrose a l'avantage de nourrir la fiction. Ça permet de créer énormément de choses, et au-delà de ce côté névrosé d'un stand-upper, ici ce qu'on a dans Seinfeld, c'est une écriture très précise qui, quand on regarde un épisode, cette écriture n'a l'air de rien. Et en fait, elle est à la virgule près. D'ailleurs, Seinfeld et Larry David demandaient de ne rien changer des textes. Il fallait qu'à la virgule près, les comédiens le respectent. Et c'est une grosse force de cette série qui, après, a vu des enfants naître. Parce que je pense à une série, on a parlé d'une série geek, Big Bang Theory, par exemple. C'est une série que de punchline, où des gens sont des losers, mais dans la vraie vie, si ces losers-là avaient autant de punchline, à aucun moment ce serait des losers évidemment. Bah oui, et du coup c'est, il y a que c'est le travail du spectacle vivant finalement, et du rythme qui est amené dans une série filmée, quoi. Seinfeld est une série d'humour, et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas universellement partagé, c'est l'humour. Seinfeld, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. On dirait qu'Internet découvre que les sitcoms des années 90 et 2000 vieillissent mal. Sexistes, racistes ou homophobes, certaines scènes passeraient très mal aujourd'hui. Dans un épisode de la quatrième saison, Kramer convainc George de se garer sur une place handicapée. Lorsque le groupe retourne à la voiture, il apprend qu'une personne en fauteuil roulant a eu un accident parce que la place a été prise. Le fait qu'un grand rire survienne après qu'une femme ait décrit comment la personne en fauteuil roulant tombe dans une pente et ensuite dans un mur tient juste de la méchanceté. La plupart des gens s'accordent à dire que la comédie, même avec des blagues sur le fil, n'a pas besoin d'aliéner les groupes marginalisés pour faire rire les gens. Un mauvais moment à penser. Thomas Desseur, que penser de ce grand débat autour de certaines séries et de leur vieillissement et de leur réception par le public? Est-ce que Seinfeld est une série qui était rétrograde? Alors, je sais que récemment, on a eu ce procès-là sur H, quand H est revenu sur Netflix. Sur Seinfeld, je pense que Pierre va m'accompagner là-dedans. On a quand même un personnage féminin très fort à une époque où les personnages féminins étaient des personnages fonction. Là, finalement, Hélène vit absolument la même chose que les autres. Elle est même travers que les autres, et on n'hésite même pas à parler de sa vie sexuelle, qui était un sujet très très peu abordé à la télé américaine. Oui, et puis il faut Pierre rappeler que Seinfeld, les personnages, c'est assumé, sont des salauds, sont pas des gens bien. Alors évidemment, on les aime parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils nous ressemblent finalement quelque part, donc il y a forcément ce côté cathartique. Après, c'est une série qui est beaucoup plus absurde, beaucoup plus sur le détail, beaucoup moins populaire au sens large du terme, qui je pense du coup prend beaucoup moins cher que Friends a pu prendre avec les histoires de grossophobie et tout, et qui est sauvé en fait par le fait que ces personnages sont censés être des gens pas forcément aimables. Maintenant pour le reste, bah c'est une série qui a 30 ans et qui du coup ne fonctionne pas sur les mêmes codes. On pourrait tous dire que tous les personnages sont blancs. Oui, alors après il y a aussi un côté humour juif, hein, Seinfeld, et tous les personnages, même s'ils sont pas clairement définis comme des juifs new-yorkais, participent de l'humour juif new-yorkais, etc. Donc en fait, c'est une série qui décrit une forme de communauté où les personnages sont essentiellement blancs. Mais bon, voilà, ça c'est l'histoire de la série télé. Et c'est un autre débat de savoir si aujourd'hui, oui, si on refaisait Seinfeld, peut-être que tous les personnages seraient pas blancs, etc. Mais je crois pas que Seinfeld se fasse dégommer autant que d'autres séries à ce propos. Frédéric Lavigne, est-ce qu'il y a une évolution dans la manière d'écrire l'humour dans les séries que vous avez évoquées ces derniers mois? Ah oui, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, ces séries avec des personnages de stand-uppers ou faits par des stand-uppers, aujourd'hui, ils se mettent au centre, mais en fait, très vite, ils englobent plus large. J'ai l'impression que justement, ils sont peut-être moins dans la description du quotidien, absolument, comme on peut le voir plus d'ailleurs dans l'humour vraiment sur scène. Quand je pense surtout, par exemple, une série que peu de Français connaissent et qui s'appelle Rami, que je trouve vraiment formidable, sur Rami Youssef, je veux dire, c'est un musulman pratiquant aujourd'hui dans le New Jersey, et il raconte vraiment ce que c'est qu'être un musulman aujourd'hui pratiquant aux États-Unis. Très vite, c'est quand même abordé. On est beaucoup moins dans l'anecdote, et je pense que les situations qu'il développe sont plus larges, hein, que ce que faisait Seinfeld, probablement. Il y a également Master of None, oui, si je ne m'abuse. Oui, alors là, qui pour le coup sort vraiment, puisque le personnage principal n'est plus comédien de stand-up, mais juste comédien de seconde zone qui essaye d'avoir le personnage interprété par Aziz Ansari, qui est le créateur de la série, et comédien de seconde zone et enchaîne les rôles. Et pour le coup, Master of None, et c'est d'ailleurs revendiqué comme tel, c'est presque une série. Mais c'est là qu'on retrouve finalement une dynamique comique, c'est-à-dire qu'on a plus des thématiques autour desquels la série va tourner, et à l'épisode d'après, hop, on change de thématique, on tourne autour, on creuse le sujet, on en rit, et c'est une série qui va beaucoup parler de la représentation, de la place de telle ou telle minorité, des inégalités hommes-femmes et de toutes ces choses-là, mais qui garde une dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des épisodes entiers sur les relations sexuelles du personnage principal, en fait, de l'intime restera toujours, et je crois que c'est ça en fait qui fait que des séries faites par des stand-uppers continuent d'exister. Ça va être la capacité qu'ont avoir ces gens-là à être dans l'intime très très fort à parler en gros de leur entrejambe, mais à avoir un propos universel. Et c'est vraiment ce que cherchent les séries aujourd'hui. Ça fait des années de festival qu'on revient sur ce fameux glocal, qui est ce mot entre global et local, où en fait le but. Alors ça fait deux mots. On a sapacon et glocal. Voilà. Et glocal qui est vraiment admis maintenant dans le. Pour cette dernière, voilà, on fournit des mots. Exactement. Vous pouvez prendre glocal. C'est en gros, je raconte mon histoire dans mon bled, mon truc vraiment intime, ma croyance, mon quotidien. Mais en fait, je vais chercher l'humanité tout ça, et je vous le dirai, je vous l'apprendrai pas, c'est votre métier, c'est aussi ça le stand-up, c'est de raconter l'intimité de votre vie à vous, et que nous, téléspectateurs, on se dise, bah merde, en fait, oui, moi j'ai vécu ça, je comprends ce qu'il me raconte. Eh bien, ça me fait plaisir, c'est-à-dire c'est le mélange de plaisir et de rire à la fois. On approche de la fin de cette émission, mais avant cela, prolongeons un peu ce moment ensemble avec Arlo Parks qui nous chante Hope. About the apricots and blunts on Peck and Rye. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed. Can't feel her legs, and feeling like a liar at best. C'était Arlo Parks qui nous interprétait Hope dans Blockbuster sur France Inter. Oh my God. Oh mon Dieu. Parce que tu vois, c'est jeudi et quand je suis rentré, j'avais 1 500 $ sur moi. Pour Dieu sait quelle raison, j'ai décidé de les cacher dans mon sac de linge sale. Et après, j'ai complètement oublié où ils étaient. Et j'ai porté le sac à la teinturerie vendredi. come on, let's go. Dépêche-toi. Allez, allons-y. Voir le teinturier, pardon. I never saw it. Je les ai jamais vus. D'accord. Allez, à bout, bonhomme. Enlevez son fric à ce mec-ton. Enfin, à quoi tu joues, mec? You see that sign up there? Vous voyez cette affiche, là? Oh, I see. So you put up a sign. Ah, je vois, là, vous mettez une affiche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne faites plus partie de la société. Et voilà, c'est vrai. Parce que cette boutique, c'est mon pays, et j'en suis le président. Et ça, c'est ma constitution. I'm not responsible. Je suis pas responsable. So anybody leaves anything. Alors, si quelqu'un laisse quelque chose chez vous, vous n'avez qu'à le piquer. Vous avez le permis de voler. Vous en sommes l'Arsène Lupin des teinturiers. Pierre Langlais. Hors antenne, vous disiez que parmi toutes les séries d'auteurs dont on parlait et qu'on citait, justement, on énonçait rarement Seinfeld, alors que c'est purement une série d'auteurs. Ben oui, c'est vrai que c'est non seulement la série de celui qui joue dedans, mais c'est vraiment une série d'auteurs qui a un ton très particulier, qu'on a du mal à définir. C'est dire à quel point en fait il fait partie de l'identité même de Jerry Seinfeld. Et c'est vrai qu'on remonte souvent à Twin Peaks, hein, de David Lynch, dont vous parliez il y a quelques temps, qui est vraiment la grande série d'auteurs de la fin des années, début des années 90. Et on est au même temps, au même moment, vous imaginez, il pouvait regarder Seinfeld sur NBC et sur ABC Twin Peaks. Et en fait, c'est vrai qu'on la cite rarement parce que c'est une sitcom. Et je pense que la sitcom est un genre qui est souvent sous-considéré, non pas par le public dans les audiences aux États-Unis où ça fait des très très grosses audiences. Big Bang Theory a été longtemps le numéro 1 et Seinfeld a fait des chiffres, mais c'est faramineux, au-delà des 30 millions de téléspectateurs chaque semaine. C'est énorme, même en termes de recettes, les recettes de Seinfeld dépassent absolument tout ce qu'on a pu voir. C'est des très très gros succès, mais c'est vrai que les rires enregistrés, tout ça, cet univers-là nous fait pas mettre la sitcom dans les choses nobles qui ont vraiment fait rentrer la série d'auteurs. Or, en fait, Seinfeld en fait partie et a vraiment fait partie des séries qui non seulement a fait rentrer le méta, donc ces séries qui parlent d'elles-mêmes, qui sont dans l'autoréférencement permanent, etc., mais aussi le côté anti-héros, qui ont été vraiment les deux grands axes des années 2000 et 2010 de la série télé américaine, d'une part avec toute la vague des Sopranos, de Dexter et de toutes ces séries-là, et d'autre part avec les Community, avec toutes les séries comiques qui ont fini par dire « Ok, ça fait 60 ans que les séries télé existent, donc maintenant, vous comprenez très bien quand les personnages, ils n'ont même pas besoin de casser le quatrième mur, vous comprenez très bien qu'ils sont en train de parler d'eux-mêmes et qu'il y a une blague sur eux-mêmes là-dedans. » Et c'est Seinfeld qui est une des premières séries qui a vraiment popularisé tous ces procédés-là. Alors, une époque où d'autres le savent, on pense notamment à Parker Lewis pour une série peut-être plus connue en France que Seinfeld. Mais évidemment, elle a participé à ça, donc c'est profondément une série d'auteurs. Thomas Dessert ? J'abonde complètement dans ce qui vient d'être dit pour aussi un autre point, c'est que on y voit pas mal la magie de l'écriture qui permet d'aborder énormément de thématiques, dont des thématiques qui n'étaient pas très présentées à ce moment-là à la télé américaine. Je sais que Pierre Orantin nous a confié vouloir revenir sur un épisode qui s'appelle The Contest, qui est un épisode dans lequel Il n'était pas tout seul, je vous ai vu aussi. On était assez d'accord là-dessus. Oui. The Contest, c'est un épisode, pour faire simple, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un épisode les plus cultes aujourd'hui, et les quatre personnages font un concours qui a pour enjeu, l'objectif de ce concours, c'est de tenir le plus longtemps sans se masturber. Donc c'est ça le propos du concours. Et dans le concours, déjà on parle de masturbation masculine, c'est un sujet qu'on n'abordait pas du tout. Il se trouve que Hélène... Je ne sais pas ce que c'est. Ah bon, je ne vais pas expliquer là tout de suite, on est quand même sur une grande radio, mais Hélène fait aussi partie de ce concours-là, donc on parle de masturbation féminine, et c'est totalement casse-gueule, mais par la magie de l'écriture, ça passe. Et sans en parler en fait. Et on n'emploie pas le mot masturbation. Le mot n'est jamais précisé, et que comme dans l'extrait qu'on entendait tout à l'heure, et c'est là que Seinfeld est une série d'écriture vraiment et de langage, c'est-à-dire que le but c'est de tenir 30 minutes en parlant de maître de son domaine, de contrôle, de plein de choses, etc., mais sans jamais dire concrètement ce qu'est l'enjeu, c'est-à-dire qu'on sait quel est l'enjeu, mais l'enjeu n'est jamais formulé. Et donc c'est ce qui fait de Seinfeld aussi une grande série sur l'écriture et sur le méta, c'est que l'humour vient du fait même que nous, téléspectateurs, comprenons ce que les personnages ne peuvent pas dire puisqu'ils sont sur une grande chaîne américaine. Et donc, à la fois, il s'agit de faire un clin d'œil exactement comme Battlestar Galactica à une époque, dire à frac, frac, frac, frac, frac à tout bout de champ. Alors, on sait très bien que c'est parce qu'ils peuvent pas dire fuck. Mmh. Voilà. Et donc, ce jeu-là fait partie de l'intimité qui va être créée avec les personnages et par la série. Thomas Dessert. C'est pour le coup, c'est ça, c'est l'art du coup de la périphrase, notamment dans cet épisode-là, ce qui rend la chose encore plus jolie. Et pour faire un lien avec directement avec le stand-up, ça, c'est aussi le cas de certains stand-uppers qui font un humour grand public et assez général, qui se retrouvent aussi à devoir adapter leurs propos pour que tout passe. Entre deux trois confinements, j'ai eu la chance de voir le Baptiste Le Caplan qui rodait son nouveau spectacle. Et il se trouve qu'il y a un moment où j'ai trouvé cette même magie dans son écriture, où il parle d'un sujet extrêmement casse-gueule. Le sketch est simple, le passage en fait concerne un moment où il fait l'amour à sa femme et sa fille pleure. Il va changer la couche de sa fille et après, sans rentrer dans les détails, il compare l'anatomie des deux personnes. Clairement, c'est un sujet ultra ultra casse-gueule. C'est Baptiste Le Caplan qui le fait. C'est là qu'il faut dire, faut le voir. Il faut le voir, c'est ça, exactement. Avec une belle lumière. mais Baptiste Le Caplan y arrive. Pourquoi ? Parce que lui et ses auteurs fait quelque chose d'extrêmement magique où tout ce truc qui est le pire sujet possible devient presque poétique et joli. Voilà, bah c'est... là, vous m'avez vraiment donné envie de voir. Hein. Mais justement, et là, je voudrais vraiment m'adresser aux collègues humoristes. Est-ce que le secret justement du stand-up, est-ce qu'il différencie des autres formes d'humour qu'on a pu avoir en France ? Parce que pour beaucoup, Coluche, Bedos faisaient aussi ouais. une forme de stand-up. Mais est-ce qu'il différencie par rapport à la génération actuelle ? C'est une sorte d'impudeur totale et d'aller presque jusqu'au boutisme du dénuement, à la fois physique mais aussi émotionnel. Je pense que c'est effectivement une tendance qui a grandi parce qu'on, Pierre en parlait tout à l'heure, rentrer dans l'intime, c'est quelque chose qui parle énormément aux gens. Et aller dans l'intime de manière la plus profonde possible, on s'est rendu compte que c'était possible pour deux raisons. D'une part parce que le stand-up à la base, ça reste un spectacle vivant qui peut parfois être capté, mais qui est pas non plus destiné normalement à être capté. Donc c'est un moment d'intimité avec un public. Donc on peut oser dire des choses. Quand je parle là, j'ai vraiment Blanche Gardin qui me vient en tête. Et, oui. Et bon, je vais parler que de ça, mais avec son sketch sur la sodomie qui conclut un de ses spectacles et qui a fait énormément de bruit en France parce que ça a révolutionné cette ouverture de porte, cette ouverture vers l'intimité, mais qui amène un comique peut-être 10 fois plus grand que quand on parle de quelque chose de très très simple, parce qu'il y a des sujets très très simples sur lesquels on a peut-être fait le tour. Et d'ailleurs, vous rappeliez que le stand-up c'était vraiment du spectacle vivant. Et c'est d'ailleurs ça qui est très perturbant quand un spectacle de stand-up est capté et ensuite diffusé via la télévision. C'est parce qu'en fait, on a tellement dévoilé de son intimité que quand on la voit comme ça sur un téléviseur, on a l'impression que c'est très très différent, quoi. Bah oui, c'est difficile. Je pense que là, en plus avec l'essor de Netflix, ils proposent tous les contenus possibles. Il y a pas mal d'humoristes américains qui doivent se voir et avoir des doutes sur ce qu'ils ont pu oser dire, mais bon, c'est comme ça. Alors rappelons que demain, une carte blanche est offerte à Nora Hamzaoui et qui permettra aux spectateurs du festival Sérimania de découvrir peut-être Seinfeld et aussi l'autre série de Larry David, Curb Your Enthusiasm. Ouais. C'est la fin de cette émission malheureusement et aussi la fin de cette saison estivale de Blockbuster été 2021. Frédéric Lavigne, Thomas Desseur, Pierre Langlais, merci à vous. Merci. Et aujourd'hui on remercie très chaleureusement Martin Troadec à la technique, Nicolas Mathias et Adèle Caglar au mixage, Tanguy Le Corneau à la sono, Éric Gérard et Valentine Guédiguian à la production. Chers auditeurs, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI car l'émission continue en podcast toute l'année et tous les 15 jours. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Lundi prochain, vous retrouvez l'équipe de Par Jupiter. Chers amis de Lille et du reste de la France, je vous souhaite une belle rentrée. Je pense que c'est pas normal que les premiers assis soient les premiers servis. Je trouve qu'on devrait commencer à servir ceux qui ont le plus faim. Bientôt dans Blockbuster. Un dessin animé qui a compris longtemps avant les autres que les ados avaient la joie de vivre de Jean-Paul Sartre et l'optimisme de Christine Angot. Un animé avec des robots géants pleins de névroses qui se mettent des grosses patates. Un peu comme si Goldorak suivait une thérapie. Une série tellement compliquée qu'après tu regardes un film de David Lynch pour te détendre. Bientôt dans Blockbuster, on parle d'Évangélion. France Inter.